histoire d'amour, on en récolte les fruits. Nina Savané, elle est Kamotoa. L'amour est bon, Gwanine, elle est féloïe. Être aimé, a commis, réservé. Solingana, ma frida, arrête. Solingana, mon chéri. Nanana, banana, l'amour. Oui, oui, oui, et ça n'a qu'à voir la moutée. Mon amour, il est 4h du matin. N'a bois qu'à lui son frida et qu'elle est vécue. Banaba chez nous, Pacho Mouloba, silence et d'or. Chale Chamba, Angaba Boyanga, Nami, Robina Bala, qu'il est longa de rosé. Talingana, Talingana, Moshe, Salama, et à moi plaisir. Oui, oui, oui, et Salaka. Mon amour, il est 4h du matin. N'a bois qu'à lui son frida et qu'il est vécu. L'amour est comme l'inga bamboye qui l'a raillé. L'amour, oh, ma frida, mama bravo. Sissi Mosengo, Florence et Miss Brigitte, hein? Savani. Salama, kansa, libera, chenel. Akamba, bala, bipana, bai. Salama kansa libere chemin, makamba bala bipana ai, epesi kobama, tota ma glacia pana. Mateme sali pasi banga e kamina tureye, ikana mina nate, libere chemin. Le PDG de Tropicana qui bambi chez toi, à dos en Azurik, le vieux Augusto. Nani, nani. Mamina Fifi Bonina.